Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, on vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler avec Wallet du site internet lebetsnfl.com pour parler un peu de ce qui s'est passé actuellement. Il y a une grosse nouvelle quand même pour Notre Dame. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Wallet, Notre-Dame, qui sont quand même très, très bien classés, qui sont classés au troisième rang, sont en pleine course pour les éliminatoires. Si ça commencerait demain, ils affronteraient Clemson. Donc, est-ce que... là, on a appris de très mauvaises nouvelles. Ian Brooks ne sera pas là demain contre Florida State. Que j'ai dit, c'était une très, très bonne école. Ouais, ben Florida State, là, on le sait, là, ils ont quand même gagné là, le championnat national en 2012, si je me rappelle bien, là, juste la dernière année avant les éliminatoires, puis ou 2013. Puis depuis ce temps-là, ils ont tout le temps eu des bonnes saisons. Cette année, c'est vraiment une saison de transition. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui va avantager Notre Dame. Là, comme tu l'as dit, leur corps arrière, Ian Book, il est blessé pour ce match-là. Ceci étant dit, Brandon Wimbush, qui a connu quand même des bons moments là, au début de la saison lors des deux premiers matchs. Moi, je serais surpris là, de voir Florida State se sauver avec cette victoire-là. C'est quand même un match qui est joué à Notre Dame. Ouais. Puis, ce que veut pas, là, il commence à faire froid là, au nord des États-Unis. Donc, tu te déplaces là, du chaud soleil de la Floride pour aller jouer à Notre Dame. Brandon Wimbush n'est pas un mauvais carrière, puis Florida State, ils n'ont pas leur plus grosse équipe. Donc, Notre Dame devrait être capable de s'en tirer. Il faudrait certainement pas que Ian Book soit blessé pour plus longtemps, là, parce que je regarde leur calendrier là, d'ici la fin de la saison, puis ils ont quand même des gros matchs là, devant eux. Ben, au moins un autre gros match devant eux qui va être contre Syracuse, puis aller jouer. À USC, c'est jamais facile non plus. Donc, est-ce qu'on sort un peu de ce match-là qu'on pense qu'il va être un peu facile pour reposer Ian Book pour qu'il revienne fort pour les deux derniers matchs de la saison? C'est très possible. Puis, on va avoir la chance de donner un peu de terrain aussi à Wimbush. S'il y a quelque chose qui arrive à Ian Book dans les deux derniers matchs de la saison ou en éliminatoire, bon, au moins, tu as un carrière qui a joué un peu dans les derniers matchs de la saison. Ah, écoute, ça va être intéressant de voir, évidemment. Écoute, contre Syracuse, qui sont la grosse surprise. Syracuse qui joue ce soir contre Louisville, donc ça devrait être facile. Louisville qui a un dossier de 2 victoires, 7 défaites. Allez, je veux revenir sur le match de la semaine passée. Entre LSU puis Alabama. Alabama sont vraiment très forts. Ils ont gagné 29-0 à bâton rouge. C'est jamais facile de gagner à bâton rouge. Ils ont même pas senti. Est-ce que c'est une des meilleures équipes de l'histoire d'Alabama? Je serais même prêt à dire que c'est peut-être une des meilleures équipes de l'histoire de la NCAA. C'est assez impressionnant là, qu'est-ce que Nick Saban fait avec son équipe actuellement. Là. Comme tu viens de le mentionner, 5, moyenne de 55 points. Là, ça a baissé un peu, là, mais c'était incroyable. Ouais, puis tu sais, j'avais pas de cachette, là, j'étais un peu sûr qu'ils étaient un peu sur la ligne. Je disais, ouais, Alabama sont bons, mais ils ont-tu vraiment affronté une grosse équipe? Mais là, on a vraiment eu un bel exemple. LSU, non, c'est vrai que c'est pas une force en offensive, mais leur défensive est très, très bonne. Ils ont des joueurs à peu près à toutes les positions qui pourraient éventuellement être dans la NFL. Puis Alabama marque 29 points en accorde 0. Je pense que ça en dit beaucoup. Puis Alabama, c'est ça. Cette semaine, encore une fois, ils vont affronter une grosse équipe. Point de vue défensif, ils vont affronter Mississippi State à la maison. Mississippi State qui est deuxième au pays pour le nombre de points accordés. Donc, c'est vraiment ces deux matchs-là qui vont faire en sorte que si Tua Tagovailoa a gagné le Heisman, ça va être à cause de ces deux matchs-là. Puis si Alabama finit premier, ben ça, il n'y aura plus personne qui va pouvoir s'obstiner puis dire « Ah, ben Alabama, ils n'ont pas affronté des grosses équipes. » Non. LSU, c'est une bonne équipe de football. Mississippi State, c'est pas une mauvaise équipe de football. Puis Comme je te dis, moi, je serais prêt à dire que c'est probablement une des meilleures équipes de l'histoire du college football, tout simplement parce qu'ils ont juste ils ont trop de talent à toutes les positions. C'est incroyable. Hey, Talua, excuse-moi, je le prononce mal, là, mais est-ce que c'est est-ce que c'est un solide prospect pour la NFL ou c'est un joueur qui va seulement jouer dans la NCAA qui va se signaler? Moi, j'ai l'impression que ça devrait être un bon joueur dans la NFL, puis je m'explique pourquoi. Dans la NCAA, souvent, on voit des joueurs qui, oui, c'est des bons passeurs, c'est des bons corps arrière, mais la raison pour qu'ils sont bons au niveau de leur passe, c'est parce que ils sont tellement bons pour courir et se déplacer avec le ballon que ça l'offre... Ça leur offre une sortie de secours une fois de temps en temps, puis la défensive ne mettra pas autant de pression. Un gars comme Tua, il a un bras super fort. Comme que les Anglais disent, c'est un gunslinger. Il a pas peur de pousser une passe de 50 verges en zone de début. Il est gaucher, c'est rare aussi. Puis si on a vraiment à regarder que la manière qu'il joue, il est beaucoup plus proche du corps arrière traditionnel qui reste dans sa pochette, dans sa pochette protectrice qui pour lancer qu'un corps arrière qui court. Donc, moi, je pense qu'à long terme, s'il continue bien de se développer, ça pourrait être un excellent prospect dans la NFL, puis éventuellement être un bon joueur aussi au prochain niveau. C'est un sophomore, hein? C'est un joueur de deuxième année, hein? Deuxième année, exactement. Okay. Donc, on va y aller avec les matchs de la semaine. C'est pas un grand cru. Il y a quand même quelques matchs intéressants. Moi, j'ai retenu le match de 15h30. C'est le match que je vais regarder à CBS entre Mississippi State et Alabama. C'est pas mal. Moi, j'ai retenu ce match-là. Toi? Ouais, puis on vient tout juste d'en parler, là. Mississippi State, son 16e au pays. C'est une équipe qui accorde pas beaucoup de points, donc ça va être intéressant encore une fois de voir comment que Tua va se comporter contre une équipe aussi bonne en défensive. Ceci étant dit, Mississippi State en offensive, c'est pas vers jeu. Leur carrière, Nick Fitzgerald, il connaît pas une très très grosse saison, donc je pense qu'Alabama sont favoris par 24 points dans ce match-là. Je pense qu'il ne faudrait pas surprendre que ça soit une victoire de plus de 24 points. Sinon, juste avant ça, moi, il y a deux matchs sur l'heure du midi là, qui m'intéressent énormément. Premièrement, tu as le match entre Ole Miss et Texas A&M. C'est deux équipes qui sont à 5-4, donc deux équipes qui, avec une victoire, se qualifient automatiquement pour un bowl de fin de saison. Un peu similaire, là, des équipes qui ont des bons corps arrière, qui ont des bonnes défensives, qui sont capables de courir avec le ballon. Je pense que ça peut être un match intéressant. Puis sinon, le match qu'il faut Ohio vraiment regarder le midi, ça va être entre Ohio State puis Michigan State. Ohio State qui sont 10e dans le dernier classement du comité, tandis que Michigan State sont 18e. On en a parlé le 2 semaines là, quand Ohio State ont perdu contre Purdue. C'était une grosse déception. L'équipe avait une semaine de congé après ça. Ils sont revenus la semaine dernière contre Nebraska, puis ça a été un match difficile pour eux. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment que les Buckeyes vont se déplacer à East Lansing pour aller affronter les Spartans, puis comment que les Spartans vont les recevoir. Ça pourrait être un match qu'on appelle un match que Ohio State pourrait perdre, puis ça ferait très, très mal à leur classement. Okay. Écoute, son 10e, là. C'est sûr, c'est un match très, très embêtant. Wallet, on se reparle la semaine prochaine? Excellent. Merci, Danny. Bonne semaine, puis bon football. Le bitsnfl.com, Wallet.